commencé le séminaire de cette année par une séance que j'espère courte, hein, c'est-à-dire que normalement il n'y en a pas, pas pour plus de deux heures. Hein. Et le contexte donc du séminaire de cette année, c'est la suite que je voudrais donner à un travail que j'ai publié récemment, qui est sorti il y a quelques jours, d'ailleurs en fait il y a un peu moins d'une semaine, hein, qui s'appelle « La fin des coupables », suivi du cas Paramore, le cas Paramore étant justement un cas dont que j'expose ici. Vous voyez donc, dont vous avez là une version extrêmement développée, donc ceux qui ont assisté au séminaire, voilà, des choses qu'ils sont priés de garder pour eux, quand ils lisent le texte ou quand on les interroge, parce qu'il y a des choses dans le texte que j'ai quand même pas mis, hein. Mais enfin bon, j'en ai parlé il y a quelques années, je ne me rappelle pas, ça mettrait 4-5 ans, c'est ça, dans cette zone-là, moins. Et je voudrais m'inscrire dans le prolongement donc, de ce que j'ai publié, en allant tout de suite à ce qui est dans ce livre, dans ce gros volume, et ce qui est le plus faible, hein, ce qui ne va pas du tout, ce qui me pose un gros problème, qui malheureusement est sa conclusion. C'est la partie de ce livre, hein, qui porte un titre que je rappelle pour ceux qui auraient regardé, hein, c'est Autonomie, Aspiration et Autonomie Condition, de rapport au mal et à la contrainte intérieure, qui est une sorte de résumé intégratif de ce que j'ai voulu faire dans les deux gros volumes là, donc consacrés à cette histoire des obsessions. Alors, pourquoi c'est un point faible ? Pour une raison, je crois, qui est très, très simple, c'est qu'il y a un problème d'articulation manifeste entre deux types de discours, celui qui s'arrête avec la fin des coupables et celui qui commence avec le cas Paramore. C'est l'articulation entre quelque chose qui relève de l'anthropologie morale, de la généalogie historique, de l'histoire des sciences, tout ça sur l'histoire de la névrose obsessionnelle, l'histoire des troubles obsessionnels, hein, mais aussi l'histoire des différentes thérapies qu'on leur a faites, puisque l'hypothèse majeure de mon travail donc ces deux dernières années, c'est que les thérapies sont données en même temps que les troubles, hein, qu'on ne peut pas du tout les dissocier. Et puis, la question proprement psychanalytique, proprement clinique, proprement singulière de l'histoire de cas. Et en particulier avec ce que j'essaie, la problématique dans laquelle je m'inscris, mais dans laquelle j'essaie de sortir un petit peu, qui est très débattue, en tout cas en France, celle des nouvelles pathologies. Hein. C'est la question de savoir s'il y a vraiment des gens qui ont des maladies qu'on n'avait pas vues avant, ou si la manière dont ils les ont ne ressemble à rien de ce qu'il y avait avant, si dans l'ambiance spécifiquement française de ces choses, quels épouvantables désastres ça annonce ou ça matérialise. Alors, la question des nouvelles pathologies, hein, c'est une question qu'il est très difficile de ne pas rattacher à un problème clinique, à des manières d'objectiver les symptômes, à des manières d'en parler. Si on ne les objective pas, on peut simplement dire en parler. Et que j'ai essayé dans ce bouquin, et notamment dans le cas Paramore, d'articuler la question que, s'il y a une nouvelle pathologie, c'est qu'il y a une nouvelle normalité. Voilà, c'est ça, je crois, le point essentiel. Ça ne sert à rien de parler de nouvelles pathologies si vous ne parlez pas des nouvelles normalités. Or, donc la question de ces nouvelles pathologies, elle n'a pas de sens si vous ne parlez pas en même temps donc des nouvelles normalités. Et que ce que j'ai essayé de montrer dans l'histoire du cas Paramore, c'est que pour une grande part, le caractère complètement dantesque de la symptomatologie qu'on peut effectivement faire monter, je ne suis pas privé un peu, qu'on peut faire monter comme une mayonnaise, hein, de Monsieur Paramore, c'est qu'elle est étroitement liée à la normalité elle-même. Le projet étant effectivement de faire exactement l'inverse de ce que faisait par exemple Foucault, hein, qui fait une histoire de la folie, parce qu'il pense que ce qui se passe d'intéressant, c'est ce qui est dans un vieux paradigme, d'ailleurs à la Bicha, n'est-ce pas, c'est que c'est la normale qui révèle le normal, que le pathologique révèle la normale, donc que l'excessif, le monstrueux fait apparaître le pouvoir de la norme. C'est exactement la démarche inverse. Hein. Ça consiste à s'intéresser à la pathologie qui consiste à être normal. Cette normalité a cet effet absolument ravageant du simple fait d'être normal. D'aller au boulot, de faire son travail, de, voilà, hein, ce genre de situation. Et que le point très problématique, c'est que j'essaie à la fois de décrire les nouvelles normalités qui sont liées au nouveau statut de l'autonomie, et en même temps de m'en servir pour faire quelque chose qui relèverait presque, qui relève de l'activité clinique, qui relève de montrer ce que c'est que la torture et c'est un fondamental de cette autonomie qui nous est imposée. C'est dans ce contexte-là que il me semble intéressant de discuter de ce que sont les nouvelles psychothérapies. Alors, je me suis beaucoup intéressé dans la fin des coupables, évidemment, à la psychanalyse, mais fondamentalement à celles qui font aujourd'hui problème, parce que le nom de caution médicale, etc., les thérapies cognitives ou comportementales, en essayant de montrer que justement, on ne les comprend pas si on ne comprend pas quelle normalité elle propose, quelle thérapie, quelle guérison elle propose, à quel type de symptômes. Entrez, il y a des chaises partout. À quel type de symptômes? Et que dissocier leur façon de s'intéresser aux symptômes du genre de normalité par rapport auquel ils jugent ce symptôme, c'est se tromper complètement du tout au tout sur la nature du projet qui les habite. Et que, comme c'est vraiment une tentative de retournement anthropologique, il me semble que, comme ce sont des situations qui sont, entre guillemets, quand même relativement simples, celles auxquelles s'attachent les TCC, ça nous montre, à contrario, comment à différents moments de l'histoire de la psychanalyse, c'est aussi une certaine idée sociale de l'autonomisation et de la guérison et de la thérapie, qui a conditionné le repérage de certains traits comme étant particulièrement symptomatiques, non seulement dans le discours social, mais aussi dans la construction des théories psychanalytiques, et enfin dans les moyens que les pauvres patients avaient de dire qu'ils allaient mal ou qu'ils allaient bien. Hein, que ce n'est pas quelque chose qu'on puisse... C'est en ce sens qu'il y a vraiment une histoire intéressante de la psychanalyse à faire, c'est de montrer ces covariations et de dire que finalement l'élément... au XXe siècle en tout cas je pense que c'est assez convaincant pour la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 50-60, après bon, ben, voilà, j'essaye quelque chose mais j'en suis pas bien sûr, c'est quand même les idées d'émancipation de l'individu, d'affirmation de soi, etc., sous ces différentes déclinaisons qui semblent être le cœur de ce qui anime les projets psychothérapeutiques, et que donc là on a des idées extrêmement claires sur ce qui est psychothérapeutique. C'est ce qui s'inscrit directement dans le projet d'émancipation et d'affirmation individualiste et de l'autonomie. Et c'est la raison, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, pour lequel c'est un phénomène de masse d'une société développée, hein, tout simplement. C'est pas simplement parce que les gens ont les moyens, c'est pas l'éducation, c'est pas la psychanalyse, c'est la science bourgeoise. C'est juste parce que c'est en prise directe sur les idéaux qui organisent fondamentalement les choses. Alors, ça m'a... Une des choses qui m'a le plus frappé, par exemple, c'est qu'il y a un chapitre sur Lacan que j'ai fait lire à une éminente collègue, spécialiste de psychothérapie, qui était l'élève de quelqu'un qui est un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui a énormément compté en sautant, qui s'appelait Cornelius Castoriadis. Et Cornelius Castoriadis était un anti-lacanien pur sucre, personnage extrêmement impressionnant d'ailleurs, c'est son savoir, en tout cas par son charisme, qui a beaucoup influencé toute une génération de sociologues, de psychologues français, etc. C'était une des choses les plus frappantes, c'est que cet élève de Castoriadis, pour la question des psychothérapies, me disait que ce qui était complètement insupportable à Castoriadis, c'est qu'il percevait très bien qu'il ne s'agit pas d'autonomie. Il ne s'agit pas d'autonomie, c'est un usage de la psychanalyse radicalement déviant, où la fameuse formule, le discours, le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre, vient attaquer à la source d'une formule extrêmement simple, coupante, définitive, l'ambition même du projet d'autonomisation de l'individu dans les sociétés développées. Bon. bien que c'est... Alors, bien ensuite, c'est le contexte de l'époque, la critique de l'égo de sa écologie, une manière de récupérer des jeunes marxistes en disant, voilà, on dénonce l'idéologie capitaliste du moi, une façon de se brancher sur des choses qui existaient déjà dans la théorie critique d'Adorno, etc. Il y a tout un contexte qu'on ne peut pas négliger, mais ce qui est extrêmement frappant, c'est que pour Castoriadis, il ne pouvait y avoir de psychanalyse que dans le projet de l'autonomie. Ce qui lui fait, d'ailleurs, si vous avez déjà ouvert des textes de Castoriadis sur Lacan, enfiler des contresens qui, à première lecture, vous font fermer très rapidement le truc en disant, en plus, c'est dit sur un ton, sur le ton de, probablement, d'ailleurs, en réponse au ton qu'on peut percevoir dans la voix de Lacan, sur un ton extrêmement tranchant. Et puis, quand vous réfléchissez, au fond, ce tranchant, il est très très juste. C'est le tranchant d'avoir exactement bien perçu que chez Lacan, on ne pourra pas faire rentrer ça dans une psychothérapie au service du projet de l'autonomie. Et Castoriadis, c'est un marxiste convaincu, c'est pas du tout. Il y a quelqu'un qui a tout à fait un esprit critique extrêmement développé. Il ne s'agit pas du tout de dire que c'est un défenseur de valeurs spécifiquement bourgeoises, traditionnelles, ou du moins spiritualistes. Hein. C'est pas du tout ça. C'est vraiment que ça va très très loin, la critique de l'autonomie, puisque ça en attaque même les versions de gauche ou d'ultra-gauche. Hein. C'est vraiment pas du tout un point à négliger. Alors, je ferme cette parenthèse sur Castoriadis, mais lorsque j'essaie d'articuler nouvelle pathologie et nouvelle normalité, et puis de montrer qu'on ne peut pas penser ces nouvelles pathologies, ces nouvelles matins, que ça permet de penser les nouvelles psychothérapies, les TCC, comme des manières d'ajuster les choses-là ensemble, ça permet de soulever un problème qui est très sensible et qui m'a permis d'échanger d'ailleurs avec quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ces questions. Il y a tout un groupe de gens d'ailleurs qui ont beaucoup publié sur ces histoires de nouvelles pathologies dans le milieu lacanien, qui s'appelle Rémi Épirard. Et en réfléchissant à ce qu'il disait, je pense qu'on peut dire la chose suivante. Une des grandes difficultés du débat contemporain dans les milieux analytiques pour savoir s'il y a des nouvelles pathologies, c'est le sujet de la structure dont on parle. Dont on part au départ. C'est-à-dire, il y a une idée d'un sujet de la structure qui, au fond, permet de diviser deux camps. Il y a ceux qui vont dire, alors vraiment, il y a des variations structurales fondamentales, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est en train de se démembrer dans le sujet de la structure, et une des illustrations banales, mais que vous connaissez, j'imagine, pour l'avoir lu et relu partout, chez Lebrun, chez Mellement, etc., hein, c'est qu'il y a un nouveau statut de l'objet, hein, qu'il y a quelque chose de l'objet qui vient complètement absorber la dimension subjective, une sorte de perversion généralisée, pour reprendre l'expression de Mellement. Le problème étant, bien sûr, que si vous permettez à l'objet quita au sens de Lacan de jouer ce rôle-là, on ne comprend plus du tout comment Lacan l'a inventé dans un contexte entièrement différent, lui faisant jouer précisément des fonctions qu'aujourd'hui il ne pourrait plus jouer. C'est-à-dire que voilà que le truc qui était censé marquer la coupure marque la collabation, ce qui était censé marquer l'incomplétude marque la totalité, ce qui était censé marquer ce qui n'a pas d'inscription dans ce qui se détache justement de la jouissance de la chose, d'Asding, avec un C, devient une figure de d'Asding multipliée partout. Bref, c'est un usage des concepts lacaniens dont le principal reproche qu'on peut lui adresser, c'est qu'il se sert de ces concepts lacaniens en les retournant par une sorte d'anti-métabole complètement généralisé, pour exprimer au fond rhétoriquement et non pas logiquement à quel point le sujet va mal. C'est-à-dire, rendez-vous compte, si l'objet ptita se balade dans la nature, alors là on est tous censés s'épouvanter parce qu'on connaît l'usage de l'objet ptita chez Lacan, alors s'il se balade dans la nature, c'est que donc il y a de la psychose, c'est vraiment, on est tous psychotiques, etc. Et donc c'est pas vraiment des usages logiques des concepts de Lacan, c'est des usages rhétoriques qui en retournent les fonctions pour exprimer quelque chose de la détresse du sujet. J'ajouterai, et je terminerai là-dessus, ça exprime aussi la détresse des penseurs de ce genre de choses. Et pas du tout pour rire, pas du tout pour m'en moquer, pas du tout pour dire les choses ironiquement, parce qu'en fait, effectivement, je crois que ça traduit d'une détresse qui justifie certains recours que j'ai faits à d'autres conceptualités, comme celle de Bion, et dont je parlerai tout à l'heure. Et puis, en face d'eux, il y a des gens qui disent « Ah, mais non, Il voit très bien le danger qu'on se serve des concepts lacaniens pour détruire leur propre, leur jeu logique. Ils disent donc le sujet ne bouge pas, c'est juste que voilà, il y a des subjectivités, il y a un imaginaire, il y a des circonstances nouvelles, alors effectivement ça produit des effets nouveaux, hein, des circonstances, mais là on préserve hein, l'idée qu'au fond, sous le soleil, rien de nouveau, et voilà, le sujet ne bouge pas. Le problème, c'est que cette idée du sujet et de la structure, elle a un avantage, c'est qu'elle permet de court-circuiter la question de savoir si il est normal ou anormal, puisque être un sujet, on a bien du mal à savoir si c'est normal ou anormal. Hein. Mais surtout, elle le déshistoricise. Elle le déshistoricise en s'écartant de ce qui justifie, je crois, l'ampleur de l'effort de mise en perspective historique que j'ai fait ces deux dernières années sur cette question. Elle le désinsère de l'histoire profonde de l'individu, dont le sujet en question est une figure, non pas parce qu'il faut pas aller chercher cette notion de sujet simplement dans l'histoire de la métaphysique ou dans Heidegger. Hein. Il faut aller chercher cette notion de sujet dans des questions que se posent les gens bien concrets, qui subissent des contraintes sociales bien contraires, familiales, personnelles, sexuelles, etc., et qui sont dans nos sociétés des individus. Alors vous savez qu'il y a, à la différence de Lacan, hein, quand j'avais commenté le sophisme des prisonniers, j'avais bien montré que c'est véritablement une notion d'individu qui est en cause. Hein. C'est vraiment du calcul qui est utilisé dans le concept même d'individu au sens d'agent rationnel chez Morgenstern, etc. C'est vraiment, ça ne lui pose aucun problème au départ à Lacan d'articuler sujet et individu. À la différence de cette chose qu'on trouve quand même chez Lacan au départ, aujourd'hui, quand vous dites « mais le sujet c'est une figure de l'individu hein, lacanien », il vous saute à la gorge, n'est-ce pas, en vous disant « vous n'avez rien compris », que justement, Lacan a inventé une notion de sujet pour nous débarrasser de cette question de l'individu. Le meilleur argument que j'ai trouvé pour répondre à cela, ça consiste à dire que cette phrase, hein, « le sujet », c'est la chose que Lacan a inventée précisément pour se défaire des individus. C'est une phrase que l'on ne peut prononcer que dans une société individualiste et qui exprime par essence ce que c'est une société individualiste. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que dans les sociétés individualistes que les individus peuvent s'imaginer pouvoir se retourner sur le lien social qui les constitue et en faire la critique. Si vous allez en Inde, hein, dans un régime de caste, hein, vous ne voyez pas, enfin si vous les voyez à l'Asie ou dans la rue, enfin il y a trop de monde dans la rue, enfin j'ai certaines personnes dans la rue, des gens qui se retournent contre la société. Hein. Vous avez des figures qui sont par exemple celles du renonçant, hein, du sadhu tel que Dumont l'a décrit, qui est l'individu, mais alors on peut être un individu en Inde, oui, mais dans ce cas-là on mange de la viande crue, on vit à poil couvert de cendres dans la forêt, et on est l'individu. Ça implique une rupture avec le social en tant que tel. Et donc, aussi bien dans les attitudes, dans le langage, dans le rapport au corps, dans le rapport à la sexualité, à la violence, à la nourriture, etc., hein, ça implique une cassure extraordinairement profonde, peut-être un renonçant dans un régime d'élu. Mais il y a des individus, on ne peut pas nier. Chez nous, c'est extrêmement complexe, et je crois qu'au contraire, l'affirmation du sujet est une affirmation qui n'a de sens que dans une société individualiste. Et que donc elle est elle-même soumise, bien que ce soit très compliqué à mettre en évidence, à toutes sortes de contraintes historiques, et que Lacan ne s'adressait pas à n'importe qui quand il a inventé cette notion de sujet, quand il a construit cette notion de singularité. Le mot de singularité, comme vous savez, est absolument central dans le rapport aux symptômes, aux sujets, etc. C'est vraiment dans un contexte qu'on peut mettre en évidence. Alors qu'est-ce que j'introduis là ? J'introduis cette idée selon laquelle le problème qui manque à cette analyse des nouvelles pathologies, c'est qu'on ne va pas y répondre en invoquant le sujet. On va devoir y répondre en invoquant effectivement la normalité historiquement produite et ses formes, dont le sujet peut être une expression particulière, mais certainement pas une sorte d'invariant réel comme ça qui traverserait l'histoire. Et qui finalement ne serait rien d'autre qu'une sorte d'équivalent idéaliste du cerveau, quoi, un machin qui est éternel, qui est donné avec la nature humaine, et qui, voilà, simplement qui change de forme et de fonction selon les contextes historiques, mais en tant que tel, l'homme est un animal parlant, etc. On renoue avec ce type de discours. Alors ça, c'est donc mon premier point pour essayer de situer les choses par rapport à la fin des coupables et au cas paranormal. Ce que je vais faire cette année en m'interrogeant sur ce qui est psychothérapeutique, et donc qui s'adresse éventuellement à ce qu'il pourrait y avoir de nouveau dans les manières de souffrir, s'y relie dans la continuation d'un questionnement sur la manière dont se pose aujourd'hui la question des nouvelles pathologies. Le deuxième point que je vais amener, c'est le suivant. C'est que vous êtes, j'en ai plein de retours, vous êtes les uns et les autres, et moi aussi d'ailleurs, confrontés à l'extrême crudité de la demande psychothérapeutique. Que ce soit si vous travaillez dans des CMT, si vous travaillez en cabinet, n'importe où. La brutalité désarçonnante avec laquelle un grand nombre de gens qui ne sont pas des mauvais bougres ni des gens incultes parfois, viennent demander à ce qu'on les soigne, va plus loin que désarçonner, pour ce que j'en vois, et pour ce qu'on m'en dit aussi, les jeunes praticiens, ça les baisse. On prend ça en pleine figure. C'est un autre genre de blessure que d'être confronté à la souffrance parfois extraordinairement violente de telle ou telle. C'est que même pour des choses pour lesquelles on pourrait très bien imaginer une analyse, la façon dont est demandée la guérison est d'une blesse quelque part les oreilles du thérapeute formé au fond dans un monde, surtout le monde clos du milieu analytique parisien, formé dans un monde où au fond on croit encore que la psychanalyse est un fait moral total, une sorte d'explication intrinsèque ou de manière de coordonner les grands enjeux de l'existence de chacun. Et au fond, on a perdu de vue à quel point la psychanalyse est aujourd'hui obligée, les gens sont obligés de l'exercer dans un contexte où non seulement ils ne sont plus soutenus par une sorte d'évidence ou d'a priori culturel qui s'infiltre dans les attitudes des parents à l'égard des enfants, à l'école, à l'hôpital, avec les généralistes, etc., mais qui peut, à l'occasion, se transformer en quelque chose d'extrêmement persécutant. Que quelqu'un comme Lacan ait pu dire à un moment particulier, d'ailleurs, que la psychanalyse, c'était ce qu'on demandait à un psychanalyste, c'est très exactement ce que les jeunes praticiens, les gens qui s'installent aujourd'hui ou qui travaillent depuis ne serait-ce que 10 ou 15 ans, ne peuvent plus dire. Sauf si vous êtes dans des niches culturelles particulières où vous n'avez que des gens qui ont même été analysés, qui vous envoient leurs enfants ou leurs compagnes, Dieu sait quoi. Mais l'idée qu'une psychanalyse est quelque chose qu'on vient de demander, pas du tout. Il faut la fabriquer à la main, l'idée de psychanalyse, dans des situations chaque fois extrêmement différentes, extrêmement concrètes, et ça bouleverse profondément les praticiens. Quant à, bien sûr, faire la même chose dans un hôpital psychiatrique, dans un service où on donne des médicaments, on fait de la psychiatrie sociale, etc., alors là, n'en parlons pas. C'est d'une difficulté sur laquelle les gens s'épuisent, et d'ailleurs, ça devient depuis au moins 15 ou 20 ans, un motif de demande d'analyse. Les gens retournent en analyse parce qu'ils ne peuvent plus. Confrontés au mur auquel ils se heurtent, ils ne peuvent plus, que la manière dont ils ont absorbé le savoir analytique est totalement incompatible avec les conditions sociales de son exercice, de son réel de son exercice. Et donc, ce qui est intéressant, c'est une manière de prendre les choses, c'est de dire, c'est super, c'est comme au moment où on a inventé la psychanalyse. C'est sûr que les premiers qui sont allés voir Freud, ils ne sont pas allés lui demander une psychanalyse. Ils sont allés voir parce qu'ils allaient mal, et puis ensuite ils ont découvert, après coup, certains d'ailleurs cherchent toujours, si c'était une psychanalyse ou pas. Et d'ailleurs, on n'est pas sûr, parce qu'il y a des tas de trucs qu'a fait Freud, on ne sait pas si c'est des psychanalyses ou pas. Quand vous lisez les aventures de comment elle s'appelle, Elfriede, la grande obsessionnelle là, de 1930 du cas. Bon, ça me reviendra. Et voilà, qui a la patiente qui a eu le plus longtemps, hein, 1500 heures, des années et des années, qui a servi à bâtir la théorie de la névrose obsessionnelle. Bon, au total, hein, ça se termine à la Jeannet, en clinique, avec des domestiques complètement aux ordres, qui nettoient tout, etc. Parce qu'elle est ça, totalement foirée. Bon. Et Freud l'explique comme ça aussi. Alors, ce qui me paraît essentiel dans le désarroi, puisque c'est un peu pour ces situations-là qu'on se retrouve, ce qui me paraît un peu important dans le désarroi des gens qui commencent à pratiquer l'analyse, c'est que l'évidence qu'il y a dans le symptôme autre chose que le symptôme, on ne va pas aller dire aux gens, c'est déjà un message que vous aurez votre inconscient. Non, on va pas, c'est déjà. Hein. Mais qu'il y a simplement autre chose. Là, strictement plus rien d'évident, n'est pas porté par la culture. Et quand je dis que c'est porté par la culture, c'est pas porté par la langue, par la poésie, c'est pas porté par les manières de dire l'amour, de dire la douleur, de dire l'envie de sexe, de dire l'envie d'enfant, de dire ces choses-là, hein, c'est de dire la façon dont on dirige sa vie, dont on fait ses choix éthiques, etc. Hein, c'est pas porté que c'est lié. Enfin, ça existe toujours, hein, je dis pas du tout que ça a disparu, mais il est extrêmement délicat d'en faire l'espèce de réalité d'invariant moral, ce que j'appelle de fait moral total, qui a pu imprégner un univers entier dans lequel la psychanalyse s'est développée jusqu'au en gros dans les années 50-60. Et c'est troublant parce que Lacan a commencé avec cette espèce d'assurance autoritaire que la psychanalyse était la science, hein, les années 50. Ça fait pas un pli pour lui. Et il l'a porté jusqu'aux années 80, qui est précisément le moment où, dans les années 80, il est le dernier, hein, donc vous pouvez en signer, à croire un truc pareil. Et du coup, à le porter d'autant plus personnellement, laissant les gens, après sa mort, dans des aurores que vous avez observées. Et donc, une des choses que j'aimerais bien faire cette année, puisque j'ai beaucoup causé l'an dernier, ce serait de savoir s'il y a ici des volontaires pour dire assez très simplement, mettre en discussion ensemble cette question des premiers entretiens, de l'accueil de gens chez qui l'idée qu'un symptôme pourrait être autre chose qu'un symptôme ne trouve aucune espèce d'appui. Voilà. Et qui vient vous apporter ça. Et alors, par exemple, quand on reçoit les parents avec les mômes qui vont mal, c'est une extrême difficulté. Ça met en panne votre capacité à fantasmer quel est le produit sexuel que vous avez sous les yeux quand le gosse est en train de vous parler. C'est-à-dire, on voit assez mal, du coup, si c'est pas autre chose. C'est juste ça, l'objet compact. Alors, l'autre élément que je voudrais dire sur cette crudité de la demande, c'est que ce qui paraît urgent, enfin ce que je voudrais essayer de faire en mettant sur le chantier les choses que j'ai fait l'an dernier, c'est que si on peut parler de crise, voire de faillite du modèle lacanien du sujet dans lequel on a été, enfin, en tout cas moi, élevé, c'est que ceci est vécu de manière persécutive. C'est très, très persécutive. Et je dis ça du modèle psychanalytique en général, parce que les gens, ceux d'entre vous qui ont fait des analyses sur les divans de la SPP et qui s'installent, font le même constat. Hein. C'est pas parce que vous avez été élevé à l'objet de Kita que ça vous est réservé. Hein. C'est ce problème de... Et quand je dis que c'est persécutif, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas simplement dire qu'il y a une persécution réelle, bien qu'elle est réelle. Hein. Vous n'avez qu'à regarder combien gagne un analyste, combien les gens sont capables de mettre sur la table pour combien de fois ils sont prêts à venir. Ça veut dire aussi très bien combien la position de psychanalyste, c'est devenu une sorte de cerise sur le gâteau pour un psychologue qui est déclassé en travailleur social, finalement, et donc et qui n'a pas fini de continuer sa descente jusqu'à descendre probablement en dessous de l'aide-soignante dans les années qui viennent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un déclassement complètement impressionnant des gens qui ont recours à ce type de choses. Donc le statut, le revenu, sans oublier d'ailleurs le caractère très traumatisant qu'on entend sur les divans, les gens qui font des analyses, ça les perturbe énormément. On ferait tout ça, les gens qui insultent publiquement ce qui sont des représentations qui jouent dans votre propre inconscient, dans votre propre vie psychique, comme des rouages essentiels à vous maintenir suffisamment bien pour que vous puissiez aller au boulot, vous occuper de vos gosses. Quand c'est attaqué comme ça, sur un mode persécutif, avec ce porte-voix, ça sort de la radio, c'est admirable, les gens se pâment devant. Beaucoup de gens le vivent avec une grande cruauté. Autrement dit, ce qui est devenu impensable, selon la bonne vieille règle guionienne ou de l'identification projective, n'est-ce pas, est expulsé au dehors, d'où ça revient sur un mode persécutif. C'est-à-dire, c'est vraiment là où ce qu'on n'arrive pas à digérer psychiquement de ces attaques, parce que nous ne sommes plus capables de les tolérer, hein, de les articuler, de les penser, eh bien, ça nous attaque notre machine à penser les pensées, qui se défait et qui devient insupportable, et dont une partie est manifestement expulsée au dehors, d'où ça revient de manière caricaturale, sous la forme de deux choses, hein, je crois. Alors, à l'intérieur du milieu analytique, ça revient par exemple sous la forme de la destruction de la pensée de Lacan. C'est-à-dire des gens qui croient vraiment sérieusement qu'ils peuvent parler de l'objectita comme nous en parlons aujourd'hui, comme dans la toxicomanie, dans les addictions, des choses comme ça. C'est-à-dire des discours dont tout le monde sent bien que c'est extraordinairement faible et pourtant absolument irrésistible. La manière dont ils manipulent toutes ces choses-là, c'est simplet, voire débile. Hein, c'est des exemples complètement nuls. Comparer un texte de Lebrun à un texte de Lacan, pas photo. Hein. C'est totalement débile et c'est irrésistible et ça a un effet absolument entraînant sur le mode de fonctionnement psychique. Et puis l'autre figure de destruction de l'appareil psychique des analystes auxquels ça aboutit, c'est ce que vous voyez, comment ils se représentent les ennemis. Les ennemis sont représentés de manière absolument diabolique, monstrueuse et donc sont fondamentalement incompris. Fondamentalement incompris. J'ai lu dans des sites là, comme ça qui voudraient faire obstacle au DSM 4, 5, etc., des contre-vérités tellement évidentes, triviales, il suffit simplement de lire le livre dont on parle pour s'apercevoir que c'est exactement, c'est totalement faux, quoi, d'un bout à l'autre. C'est absurde de croire des choses pareilles ou d'imaginer que les choses sont faites celles-là. Mais en même temps, au lieu d'appeler ça de la bêtise, il faut bien se rendre compte qu'il y a une véritable détresse dans le fonctionnement mental des gens qui sont soumis à une persécution bien réelle. Hein, on leur fait perdre leur boulot, on détruit leurs idéaux et on attaque ce qui fait fonctionner leur propre appareil psychique. Et donc, je crois, à ce niveau-là, qu'on ne peut pas juste se contenter de dire que « Ah, les pauvres, ils se croient persécutés ». Non. Je pense qu'à la fois, il y a une persécution réelle et il y a et en même temps, il y a une expérience de persécution qui est une expérience de destruction intime par la mise en cause de ces principes, de ces mécanismes psychologiques, et qui sont donc projetés au dehors et qui arrivent là, qui font retour. Et tout d'un coup, les gens qui se croyaient, qu'ils étaient épistémologues de leur propre pratique, se retrouvent avec une épistémologie qui les met en bouillie. Littéralement, avec des instruments techniques qui n'ont aucun moyen de maîtriser. Les gens qui croyaient qu'ils pouvaient raconter une histoire de la psychanalyse se trouvent confrontés à une histoire révisionniste de la psychanalyse et qui les assassine à coups de commentaires, de documents, etc., montrant l'infamie, l'ignominie, la fraude, l'hypocrisie, etc., et que cette histoire qui était digérée à l'intérieur d'un processus d'auto-légitimation et qui s'intégrait d'ailleurs à la formation des analystes, leur est représentée, venant du dehors, comme un truc qui les canarde en les vouant finalement au ridicule public. Donc ça, c'est un des points. Je crois que une des grandes difficultés d'un séminaire de psychanalyse, c'est de réussir, c'est ce en quoi justement je le fais ici et pas à la fac, hein, c'est de réussir à faire entendre que ce dont on parle et qui prendra nécessairement pour un observateur extérieur des figures de, voilà, c'est de l'histoire culturelle, c'est de la philosophie, etc., c'est de la théorie psychanalytique, Castel il est très bon pour faire de la théorie, etc. Ce sont des choses qui sont des manières de nous équiper pour regarder ce qui se passe et le tolérer d'une façon moins persécutive. Et en particulier de nous équiper des moyens de symboliser avec moyens que chacun peut avoir. De symboliser quelque chose qui, dès la crudité de la demande thérapeutique des patients d'aujourd'hui, attaque même ce que vous avez de plus enraciné, ce que vous tenez de plus sûr de votre analyse. Cette espèce d'idée qu'il y a de l'inconscient, voilà, c'est finalement en dernière analyse, c'est ça que les patients viennent attaquer avec leur demande thérapeutique. Voilà. L'idée que le symptôme pourrait être autre chose que le symptôme, c'est vraiment le minimum du minimum syndical pour faire de la psychanalyse. Hein, parce que sinon, où est-ce que vous allez faire travailler votre savoir sur l'inconscient et votre propre savoir inconscient, si les gens ne l'ont plus. Pour ça, on est obligé de prendre les choses d'une certaine manière. Et c'est peut-être là où il y a quelque chose de l'ordre de la thérapie indispensable. Les gens ont besoin de thérapie, c'est pas forcément... Parce que ce sont des... Voilà. Je vais revenir sur ça là-dessus. Troisième point, qui justement m'amène à ces questions épistémologiques, à cette espèce de culture générale que j'essaie de défendre dans le champ de l'analyse, en essayant de le brancher à ce qui se passe aujourd'hui. Je vais quand même essayer cette année de dire quelque chose de ce qu'on sait scientifiquement. De l'efficacité des psychothérapies. Voilà. Et j'insiste beaucoup sur le scientifiquement parce qu'on sait des choses scientifiquement, et en particulier on les sait sur ce qui concerne au plus près l'enjeu collectif, c'est-à-dire les questions de santé publique. Donc je parlerai, je vous fais passer parce que je trouve que c'est pas un livre qu'on voit souvent, hein, The Great Psychotherapy Debate, hein, de Bruce Mampold, dont je vais parler un petit peu, qui est le livre fondamental dans le champ de contemporain de ce que c'est donc la science de l'évaluation des psychothérapies. Ce qui m'intéresse là-dedans, pourquoi je parle de science au sens de Lacan, hein, tout bêtement, c'est que c'est pas tellement s'intéresser à ce qu'on sait, mais à ce qu'on sait sur ce qu'on ne pourra jamais savoir. C'est-à-dire à ce qui va être un impossible dans ce champ. Parce que, aussi étonnant que ça paraisse, certaines propriétés formelles de l'analyse de ce champ, qui se fait, comme vous savez, en termes statistiques, hein, sont des propriétés extrêmement intéressantes et font apparaître des irréductibles qui nous permettent de mieux comprendre, hein, ce qu'est le problème de ces évaluations. Le modèle, hein, que défend d'étude des psychothérapies que défend Wampold, c'est le premier, hein, le premier modèle, celui des années 30, c'est-à-dire que toutes. D'abord, il y a trois choses à savoir, hein, c'est que d'abord les psychothérapies sont parmi les traitements médicaux les plus efficaces qu'il y ait. C'est un truc qu'il ne faut jamais oublier. Si vous pesez le poids de la nuisance qu'on présente à un psychothérapeute et l'efficacité du résultat, la psychothérapie c'est beaucoup plus efficace que la chirurgie cardiaque. Hein. Si vous prenez le poids de dommages, ça, c'est vraiment un truc qui marche vraiment étonnamment. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les psychothérapies. C'est-à-dire que les différences qu'ils peuvent avoir sont liées à certaines formes de pathologie, etc. Mais on a, c'est absolument infinitésimal. Ça, c'est le deuxième point. Et que troisièmement, les facteurs communs à toutes les psychothérapies sont les facteurs qui comptent le plus, hein, c'est-à-dire que la technique particulière, pour essayer de la psychanalyse ou des TCC, pour ce que vous pouvez mesurer du mieux-être obtenu, ça n'a aucune espèce d'importance, mais que même ces facteurs communs connus ne comptent que pour, en gros, 10% de l'effet des psychothérapies. Et donc 90% de ce qui fait l'effet des psychothérapies est inconnu. C'est quelque chose qui nécessite une réflexion très, très spéciale. Et comme Bruce Van Bolt l'a toujours dit, ça a des conséquences absolument majeures sur les questions de santé publique, parce que qu'est-ce qu'ont besoin de savoir les décideurs politiques? Ils ont besoin de savoir ça. Ils n'ont pas besoin de savoir s'il faut défendre les TCC ou la psychothérapie institutionnelle ou la psychanalyse. Hein. Donc ça, ce sont des... Or, c'est d'une solidité, Van Bolt, qui est, je crois, jusqu'ici absolument, absolument inentendue. Donc je travaillerai beaucoup, enfin pas beaucoup, mais je travaillerai un petit peu là-dessus, en insistant bien sur cette dimension de on ne peut pas faire comme si on vivait dans des sociétés en général. On vit dans des sociétés où les idéaux d'autonomie, la responsabilité personnelle, les valeurs démocratiques, les allocations de ressources, la question de la justice sociale, etc., sont des questions entièrement ouvertes, sont dont on s'est saisi. Il n'y a aucune espèce de raison d'y renoncer au nom de... Je ne sais quel sens du tragique à l'avoir moelleux, n'est-ce pas? Les gens qui vont en analyse, ils ne sont pas là pour devenir des héros shakespeariens, hein, ils sont là pour... parce qu'ils ont une éjaculation précoce ou parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, hein, c'est, quand même c'est comme ça. Et donc je suis totalement opposé là, à faire monter, à faire mousser, n'est-ce pas, ces situations en disant oui, nous défendons le sujet tragique. Il faut s'inscrire dans cet espace-là. Et qu'est-ce qu'on attrape dans cet espace-là? Qui est un espace où le sujet, où l'individu est, comme vous allez voir, et comme Lacan l'avait déjà bien indiqué dans les années 50, terriblement mathématique. Il est question de variables, quand il est pris en masse, c'est quand même une des propriétés étranges qu'a l'individu, c'est d'être pris en masse, voilà, une question de ce genre qui se pose. Point suivant que j'aborderai cette année, c'est ce que nous apprennent justement ces évaluations techniques des psychothérapies dont on a tant parlé. Elles nous apprennent qu'il y a une dimension de la guérison qui peut être réduite à un trognon factuel dénombrable. Voilà. Il y a quelque chose, il y a un trognon du fait de la guérison. On peut attraper quelque chose de la guérison sous la forme d'un truc qui est réduit à ça, un effet dénombrable. C'est ce qu'on peut compter, hein, ce dont on peut mesurer l'intensité et ce dont on peut compter le nombre. C'est ce que j'appellerais la réaction thérapeutique positive. Ça, la guérison, c'est la réaction thérapeutique positive. C'est pas foutre un truc dans un coin, bon, ça réagit de manière assez positive, c'est thérapeutique. Alors, j'emploie évidemment le mot pour faire transition avec ce qui est, je crois, la chose qui émerge assez clairement dès les années 20 chez Freud, c'est la question de la réaction thérapeutique négative, qui, je vous le rappelle, est une réaction thérapeutique. C'est pas un mot qui est inventé, c'est une réaction thérapeutique, sauf qu'elle est négative. Qui est une manière, chez Freud, de bien mesurer qu'au moment où la psychanalyse devient LA psychothérapie universelle, ça va très très très vite, et des années 20 aux années 30, c'est une explosion. Ça intègre la formation des médecins américains. Les médecins américains, à eux tout seuls, il n'y a plus de médecins aux États-Unis, dans le reste du monde. Il ne faut pas oublier cette dimension-là. Hein. C'est aux États-Unis, pour la première fois, il y aura 1 million de médecins. Quand il y a 1 million de médecins, vous vous rendez compte que on n'en est plus à transmettre le savoir clinique de maître à élève. Hein. C'est 1 million de médecins, c'est usine. Bon. Je ne sais pas combien il y avait de psychiatres, mais en tout cas, on est dans des dimensions comme ça. La psychanalyse diffuse dans un milieu comme ça, un milieu de où la notion de masse, avec tout ce qu'elle implique d'angoissant, est immédiatement présente. Alors, qu'est-ce que la réaction thérapeutique négative par opposition à la réaction thérapeutique ou la réaction thérapeutique positive? C'est quelque chose dont je donne juste cette formule, et puis évidemment je reviendrai très, très loin dessus, c'est que si une réaction thérapeutique est négative, alors le genre de mal sur lequel vous débouchez, ce mal qui est censé venir du bien par excellence, ce genre de mal est le pire possible. C'est un mal qui vient d'un moindre mal, qui s'est juste augmenté. C'est un mal qui vient du bien lui-même. Et un mal qui vient du bien lui-même, c'est pas difficile de se représenter qu'un mal comme ça, c'est un mal qui devient carrément impensable. C'est un mal qui immédiatement fait signe vers quelque chose qu'on a du mal à conceptualiser. C'est par là que dès la formule même de réaction thérapeutique négative, conceptuellement, vous avez le contenu de ce que Freud va appeler la pulsion de mort. Bien sûr, vous pouvez passer par la répétition, par le surmoi, etc., par la névrose de destin, tout ce que vous voulez. Mais dès l'idée que la réaction thérapeutique peut être négative, le mal qui porte est un mal éventuellement inouï. C'est pas un surcroît de douleur, c'est pas un échec, puisque la réaction est thérapeutique. Il n'est pas pensable dans l'ordre de l'échec. Il est pensable uniquement dans l'ordre d'un certain type de franchissement, dont l'horizon nécessite d'inventer un concept pour penser un mal au-delà du mal. Et la pulsion de mort va habiter cet espace hyperbolique qui est dessiné au-dessus du bien que fait le médecin. Parce que le médecin fait du mal pour faire du bien, mais c'est pour faire du bien. Qu'est-ce qui se passe quand le mal qu'il fait en vous faisant une saignée, par exemple, pour vous faire du bien, vous fait ce bien, et que ce bien provoque un mal encore pire que tout. Ce n'est pas le mal d'avoir une saignée, c'est un mal qui est encore au-delà. Est-ce que vous voyez le type de souci que je soulève ici? Alors, c'est donc le pire du pire, puisqu'il est porté par le mouvement vers le bien. Ce qui m'amènera à revenir reprendre à nouveau frais ce qu'on raconte dans la fin des coupables et dans le cas, enfin surtout dans la fin des coupables, c'est que lorsque Freud écrit et lorsque Lacan commence à pratiquer, puisque Lacan peut même voir dans son œuvre ces mutations que j'appelle l'autonomie, l'aspiration, l'autonomie condition. Les nœuds, c'est pas simplement un prolongement de sa réflexion, c'est une réponse à un certain type de difficulté qui apporte les gens, et qui n'est pas le type de difficulté avec lequel ils se battaient dans les années 50. Bon. La fin des coupables soutenait une chose très simple, c'est que quand vous avez une conscience morale, s'il y a une chose dont on est, qui n'est pas du tout difficile de faire admettre aux gens, c'est qu'ils ont un surmoi. Ça, c'est pas du tout difficile d'avoir un surmoi, dire la conscience morale, peut-être ne serait-ce parce que le moi est une partie le surmoi est une partie inconsciente du moi, il est situé dans une zone du moi. On ne peut pas dire qu'on est inconscient de son surmoi. Et que donc on a une conscience de surmoi, une conscience de la surmoi, de la conscience morale. Autour de ce motif-là, que je range pour le situer anthropologiquement sous le chapeau de l'autonomie-aspiration, de l'aspiration à l'autonomie, vous avez toutes sortes de choses qui nous sont bien connues. Vous avez le fait qu'il y a un idéal, que pas atteindre cet idéal, ça rend coupable, que cet idéal en même temps est un idéal inconscient, mais c'est un idéal inconscient qui est porté par des motifs sociaux, autrement dit qu'il y a un malaise dans la civilisation, qui est la manière dont Freud exprime en termes individualistes la tension qu'il y a entre ce que nous sommes chacun d'entre nous et ce que cette putain de société nous impose. Hein? C'est comme ça, il le pense en termes individualistes. Donc il va y avoir un surmoi, il va même y avoir un surmoi de la culture pour tout arranger. L'identification est un processus qui est d'ailleurs en plus étalé sur une certaine représentation anthropologiquement datée des âges de la vie. Il y a vraiment chez Freud cette idée d'une enfance, d'une adolescence, d'un âge adulte, d'une sénescence, comme ça, ne serait-ce que par rapport à des raisons démographiques, vous savez bien, est aujourd'hui assez modifié. Et puis, c'est ce qui lui permet, ces âges de la vie, de soutenir la thèse fondamentale sur la sexualité, hein, qui est la thèse qui a là aujourd'hui totalement incompréhensible de nos contemporains. Et peut-être même de nous-mêmes, d'ailleurs, peut-être que j'en parle là, comme si moi je la comprenais, mais en fait que j'ai peut-être déjà même plus les moyens de la penser, c'est que la preuve de la sexualité infantile, c'est l'infantilisme de la sexualité des adultes. Un truc comme ça, vous dites ça comme ça, ça fait marrer les gens, hein. De moins en moins de gens sont réellement susceptibles de glisser leur vie là-dedans, de l'éclairer comme ça et de se dire qu'au fond, qu'est-ce qui prouve que il y a de la sexualité? C'est quoi la sexualité infantile? C'est ce que révèle l'infantilisme de la sexualité des adultes. D'où ce phénomène de tout ce qu'on peut appeler la régression, l'idée d'une psychogénèse, enfin on peut construire ça de mille et une manières, si vous voulez, mais cette espèce de croisement-là. Alors parmi les bonnes nouvelles de la rentrée, il y a un nouveau documentaire de Sophie Robert que je vous j'invite à visionner, conformément à sa stratégie, elle se contente de filmer des gens qui parlent de la sexualité chez Freud. Je vous invite à regarder ça parce que ça, mais alors d'abord il faut se préparer. Vous préparez parce que ce que vous allez voir, c'est extrêmement impressionnant. Le trailer est sur YouTube, hein, c'est Sophie Robert, je ne me rappelle pas du nom du film, mais sur Freud et la sexualité, où elle se contente de laisser causer pendant des tranches de 7 à 8 minutes des grands psychanalystes lacaniens, freudiens, etc., de la sexualité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, vous voyez, on voit très bien combien des gens nourris encore au moment où la psychanalyse est un fait moral d'une telle évidence culturelle, etc., qu'on peut parler d'une certaine manière, ils regardent la caméra et là ils expliquent à Sophie Robert que la sexualité, infantile, c'est ceci et cela, et que ça se voit bien dans les symptômes des adultes. Et vous êtes envahi tout d'un coup d'un immense malaise et dire mais ces gens sont fous. Ces gens sont complètement. Ce qu'ils disent est totalement épouvantable. C'est la destruction in vivo de la psychanalyse, exactement comme dans le truc sur les autistes, là, avec la dame avec son crocodile en bois, quoi. La mère est en train de manger l'enfant. Filmé pendant 10 minutes, vous voyez, avec son crocodile en bois et son col en dentelle. Et c'est ça la psychanalyse. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a même pas besoin de faire de critique. C'est ça qui m'importe. Il suffit de le montrer. Il suffit de le laisser, de laisser les gens le dire. Et c'est ça qui en fait la finesse, parce que ce qui est révélé, c'est à quel point les paramètres implicites qui rendaient audible et pertinent un certain type de discours ont littéralement été balayés en très peu de temps. Au point même que vous allez voir, vous allez reconnaître des choses, vous n'allez pas piquer une crise de rire, comme un certain nombre de gens pourraient piquer une crise. C'est paraît-il tellement drôle, m'a-t-on raconté, de voir que les gens n'arrivaient pas à ça. Moi ça ne me fait quand même pas tellement rire, il faut attendre quelques minutes pour que je sois pris de fou rire. Parce qu'au début, c'est ce que je raconte. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Le grand autre, la sexualité. Et c'est progressivement que vous sentez qu'on ne peut pas dire les choses comme ça. C'est ça qui me paraît très, très simple. Alors, ce qui va me porter beaucoup dans mon travail, c'est que si ça s'est révolu, c'est pas la peine de sortir son mouchoir ou trouver que c'est tragique ou qu'il n'y a rien à la place. C'est-à-dire, de passer après avoir été tout à l'heure dans la persécution, versé dans la mélancolie. Parce que ça, je dis dans la mélancolie, parce que ça va provoquer des suicides. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'analystes, vous savez très bien, qui sont tenus par le discours analytique. Si on l'attaque comme ça, ils vont se tuer. Je pense qu'il y aura des suicides, je pense qu'il y aura des gens qui vont se perdre dans la boisson, qui vont faire des trucs, parce que c'est tellement insoutenable d'être attaqué psychiquement sur ce mode, qu'on vous montre qu'au fond, c'est comme dans le dessin animé, quoi, les psychanalystes courent au-dessus du vide, n'est-ce pas, et vous voyez, vous montrez, c'est comme Coyote, il est au-dessus du vide. Et puis, à un moment, les gens qui vont s'en apercevoir vont tomber. au-dessus du vide. Et c'est pas du tout, c'est pas leurs idées qui vont être périmées. C'est leur existence qui sera mise en cause. Leur vraie existence, hein, le réel, c'est l'objet qu'ils sont, qui va se trouver tombé. Donc, c'est toujours comme ça, c'est à la fois extraordinairement comique et en même temps complètement angoissant. Et ça rend justice, je crois, à l'extrême difficulté de la pratique de ceux qui s'installent, et d'ailleurs ceux qui se pratiquent depuis longtemps, et il ne faut pas se voiler les yeux là-dessus. Alors, ce que je voudrais mettre en place à partir de ceci, c'est que si ce truc s'écroule, c'est pas qu'il est remplacé par rien. Il est remplacé par quelque chose que j'ai essayé de thématiser sous le nom d'autonomie condition. Les TCC semblent être la réponse au malaise dans la civilisation en régime d'autonomie condition, comme la psychanalyse a été, en tout cas une certaine forme de psychanalyse, dans laquelle je comprends une grande partie de l'enseignement de Lacan, a été une réponse au malaise dans la civilisation en régime d'autonomie aspiration. C'est-à-dire qu'il va y avoir, il faut essayer de délucider quel est le nouveau statut de l'inguérissable, de ce qu'on ne peut pas soigner, en régime d'autonomie condition. Alors, les gens qui font des TCC, les gens honnêtes, hein, les Anglais par exemple, quelques Néerlandais aussi, enfin, on ne va pas plus loin que ça, enfin, les Anglais et quelques Néerlandais, ils mettent les choses très cash. C'est qu'on a cru pendant très longtemps que les TCC, ça allait vous arranger tout. Et puis maintenant, la modalité essentielle du traitement des malades dans ces thérapies-là, c'est des patients chroniques. Voilà. Alors moi j'insiste beaucoup sur les TOC parce que c'est ce que je connais de mieux, hein, l'obsessionnel compulsif. Dans les années 90, il faisait aucun doute que les gens ils avaient trouvé la panacée avec les TCC pour guérir les TOC. Maintenant, c'est une condition chronique. Voilà. Ça s'est chronicisé. Et donc, les TCC sont efficaces pour abraser les tics symptomatiques les plus violents. Cela dit, les patients qui sortent de TCC très améliorés sont quand même tellement malades qu'on ne peut pas franchement dire qu'ils soient guéris. Même si, mais effectivement, ils sont très améliorés. Ce n'est pas du tout une invention. Une des choses qui m'intéresserait beaucoup, par exemple, c'est de se demander dans quelle mesure la chronicité n'est pas le nom moderne de la répétition, puisqu'on parle de pulsion de mort. La chronicité des TOC, des troubles anxieux, etc. Pourquoi on pourrait imaginer que c'est une des figures, j'ose à peine dire sadique, de la répétition dans les troubles mentaux. Cette année, pourtant, je ne vais pas m'intéresser trop à ça, je vais essayer de vous faire lire quelque chose qui a très tôt été un problème pour toutes les thérapies. C'est les borderline, les états limites. En travaillant sur le fait qu'il y a un sociologue qui leur a donné une fonction extrêmement connue, qui est très importante, c'est Christopher Lasch, dans La culture du narcissisme, qui leur a donné une fonction absolument paradigmatique de ce qui ne va pas avec le self dans la société américaine. Et dans donc, La culture du narcissisme de Christopher Lasch, vous avez une tentative de situer anthropologiquement le fait que les contraintes à être un soi intégré sont des contraintes tellement féroces, qu'elles entraînent nécessairement un type de crise de la personnalité, une mise en danger de la personnalité, dans lesquelles les individus sont sans cesse se mouler dans des formes d'autocontrôle, des formes de réflexivité, des formes de maîtrise de leur d'eux-mêmes, qui les amènent nécessairement à des décompensations extrêmement graves. Et pourquoi je travaillais sur les borderline, les états limites, c'est parce que c'est une présentification clinique complètement vulgarisée, banale, mais extrêmement répandue, du fait qu'un borderline, ce qui, je dirais, sont très pathognomoniques, c'est qu'au moment où il guérit, il se suicide. Ou il replonge dans l'alcool, ou bien il absorbe une dose massive de stupéfiants, ou bien il se fait des coupures, etc. Au moment où on approche au plus près de ce qui s'appelle le thérapeutique. Ce qui a amené à des formes de thérapie extrêmement intéressantes, hein, dans le contexte plus ou moins des thérapies cognitivo-comportementales, hein, la dialectique behavior therapy de Sheehan, dans lequel la question s'est vraiment posée de savoir dans quelle mesure il ne fallait pas réussir à trouver un moyen de maintenir les gens dans un état de crise permanent, qui est une crise limite qui empêche la limite d'être franchie, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire un mal, un état de malaise qui empêche un mal pire que le mal de venir faire éruption dans la relation. Donc il y a peut-être, je pense, du matériau pour nous, hein, c'est-à-dire de réfléchir à où est caché aujourd'hui le casse-tête de la pulsion de mort, de la répétition, etc. Il est peut-être caché, mais sous nos yeux, quoi, dans les articles sur les troubles borderline, sur les thérapies qu'on invente pour eux. Et c'est peut-être là quelque chose d'ingénieux à faire que d'aller chercher, au fond, des réflexions, d'aller prolonger les réflexions sur la réaction thérapeutique positive et négative, enfin positive je l'invente pour la circonstance, mais positive et négative, en allant voir comment ces choses-là sont attrapées. N'oubliez pas en particulier que les pionniers américains, je terminerai là-dessus, ont prospéré là-dessus, puisqu'au fond, il y a un accord assez universel. Les grands cas de troubles borderline restent, même dans la psychiatrie américaine contemporaine, des indications de psychanalyse. Il semble bien que seul ce qu'on appelle des thérapies psychodynamiques au long cours, alors là-dessus les gens se cachent, n'est-ce pas, ils avancent voilés, mais c'est très souvent des élèves de Bion, hein, il faut le dire, aux États-Unis, il y en a quelques-uns, c'est ça qu'ils vivent et c'est ça qu'ils défendent. Et je conclurai en disant ceci. Faut-il, du coup, dans les circonstances actuelles, continuer à répéter cette antienne, n'est-ce pas, dans laquelle moi j'ai été bercé il y a longtemps, hein, que la psychanalyse n'est pas une psychothérapie. Une chose est de refuser de céder à la demande de mieux-être, d'accord. Que lorsque quelqu'un vous dit ce que c'est que son idéal de guérison, vous voyez tout de suite de quoi il est malade, quoi. Hein, ça. Crève les yeux. Mais ça n'empêche pas d'avoir à apprécier quand même en quel sens le psychanalyste reste du côté du patient dans le combat contre la pulsion de mort. Ça peut dans certains cas faire de l'analyste quelqu'un qui ne va pas devenir un psychothérapeute parce qu'il est infidèle ou incapable ou impuissant à maintenir sa position, c'est plus trop d'objets, d'autres, etc. Hein, non, c'est parce que les modalités de manifestation de la pulsion de mort dans le symptôme peuvent être profondément ignorées, je dirais, du genre de savoir quel symptôme lui-même chez le patient. Le symptôme du patient peut n'en rien savoir, ne pas être en savoir. Ça. C'est pas du tout de dire qu'on va plaindre le patient parce qu'il a couché avec bidule ou mèchenette. On va plaindre le patient parce que dans cela, quelque chose est ignoré du travail d'une pulsion de mort dont les coordonnées nécessitent pour qu'on les saisisse un recul, une forme de considération, non seulement de l'histoire de la psychanalyse, mais de l'espace à l'intérieur duquel naissent, et se reproduisent et parlent les gens qui viennent nous voir, qui est plus large. Et donc il faut réussir à imaginer, exactement comme on l'a dans le monde de la culture, si vous voulez, certaines coordonnées, certaines nervures essentielles. Et en ce sens, vous voyez que le plus difficile, c'est pas de décrire les nouveaux malades, les drogués d'aujourd'hui, les adolescents qui pètent les plombs, les gamins qui sautent partout, etc. en disant « Ah, c'est des pathologies nouvelles », etc. Non, le plus difficile, c'est de décrire le caractère morbide de la condition normale contemporaine. C'est ça qui est très unique. C'est ça qui implique qu'on ait une référence anthropologique à les généralités. C'est-à-dire, c'est quoi la normalité qui est le lieu où se tapit et se démontre le plus clairement le travail de cette pulsion de mort. Pour ça, je mobiliserai deux types de ressources. Alors, la première ressource est une drôle de ressource. J'en ai souvent parlé, j'espère pouvoir en dire quelque chose. C'est que si on se tient du côté de nos patients, que nous-mêmes d'ailleurs, on ne va pas s'oublier non plus, comme je dis, dans quelque chose comme un combat, si ce combat peut être mené, parce que c'est très complexe de savoir si c'est pas Eros et Thanatos, c'est très joli, hein, le combat d'Eros et Thanatos, mais enfin, voilà, hein, partout où il y a de la métaphore, il y a anguille sous roche, hein, c'est qu'on n'arrive pas à penser quelque chose. C'est-à-dire que même chez Freud, ça reste à l'état d'une pensée de rêve, le combat de la pulsion de vie, de la pulsion de mort. Ce n'est pas articulé en ce sens-là. Enfin, bon, supposons qu'il y ait un combat. Qu'est-ce que signifie cette idée de thérapie, ce que je voudrais vous pointer, c'est que ça ne va pas forcément, c'est pour ça que je n'ai pas mis qu'est-ce qui est psychothérapeutique, mais qu'est-ce qui est thérapeutique, c'est qu'il n'est pas du tout évident que ce soit une psychothérapie. D'abord parce qu'il n'est pas exclu que le psychisme lui-même ce soit une maladie. C'est quand même donc ça poserait un problème d'entretenir la maladie bon, à ce niveau-là. Mais aussi parce qu'il y a dans nos ressources signifiantes, dans ce que la culture a produit, dans ce dont nous sommes, dont nous pouvons nous équiper, un usage de la thérapie qui est la thérapie du discours. Et je m'appuierai beaucoup. Et je vous recommande de lire ou de commencer à lire, parce que vous allez voir, ça ne se lit pas comme Spirou. C'est Dire et vouloir dire de Stanley Cavell. Hein, c'est What we mean, what we mean. Do we mean, non. What we mean, do we mean, what we say. Je ne me rappelle plus le titre anglais. Donc, qui a été traduit il n'y a pas très longtemps, et qui est le grand livre de Stanley Cavell, Dire et vouloir dire. Qui est une réflexion sur Wittgenstein, qui, comme vous savez, est celui qui va critiquer le langage métaphysique pour aller extrêmement vite au nom du langage ordinaire. La maladie du langage, c'est le langage métaphysique. Et comment le langage, nous finissons par nous coincer notre pensée, en quelque sorte, en employant les termes d'une manière métaphysique, nous empêchant, en quelque sorte, de neutraliser ce langage métaphysique. Sauf que Stanley Cavell a élargi, si vous connaissez, ceci à l'idée qu'au fond, la métaphysique n'est pas qu'une des maladies du langage, c'est une maladie paradigmatique du langage, qui se cache dans des tas d'endroits où on ne soupçonnerait pas, par exemple dans la psychologie scientifique, hein, pas seulement dans la théologie ou chez Leibniz, hein, mais dans la psychologie scientifique, dans la théorie de la musique, dans l'esthétique, etc. On cache partout cette espèce de manière particulière de s'emberlificoter soi-même dans son lire. Et Cavell l'élargit jusqu'à dire qu'au fond, c'est une tâche de l'individu, de la modernité, que de s'approprier le dernier Wittgenstein comme un critique de l'existence même dans notre culture des individus. Un moyen de la critique de la vie. Et de se pencher sur la difficulté qui est au cœur aussi bien du Tractatus que du fameux argument du langage privé et du dernier Wittgenstein, qui est une question extrêmement simple, comme la formule Cavell, c'est comment je peux dire nous. Comment est-ce que je peux dire nous sommes confrontés à une... Comment moi, Pierre-Henri Castel, je peux dire, nous sommes confrontés à telle et telle difficulté. Nous savons bien que. C'est-à-dire comment le je et le nous peuvent s'articuler. Et il définit par scepticisme, il l'appelle scepticisme, cette interrogation qui fait que nous sommes extraordinairement fragilisés lorsque nous passons du je au nous. et qu'une des difficultés tragiques, le vrai tragique de la condition contemporaine, c'est cette incertitude qui pèse sur la possibilité que je puisse dire oui. Les hommes, l'humanité, et que, mais aussi dans un couple, toi et moi. Donc c'est à travers cette question, comment est-ce que je peux dire nous, qu'il relie l'argument du langage privé chez Wittgenstein dans les recherches logiques, la question du solipsisme dans le Tractatus, mais en lui donnant une prodigieuse résonance qui interroge comment le langage lui-même se coince, et quel type de thérapie nous pouvons avoir. Et cette thérapie du langage ordinaire ne peut être menée que dans le langage ordinaire, par le langage ordinaire. C'est une chose extrêmement délicate. Elle dénoue, elle décoince, elle défait des choses. Et ce sera une question pour moi, je ne sais pas sûr si je réussirai à y répondre, je ne sais même pas si je la poserai, mais c'est la question du rapprochement avec ce que Lacan a dit, ce que peut au mieux nous aider à faire une analyse, ça n'est rien du tout qui va nous arranger notre psychisme, c'est bien dire. Bien dire. Dans une analyse, au fond, une fois, bien dire reste finalement la pierre de touche du succès d'une opération analytique. Je vais dire exactement, ni plus ni moins. J'essaierai de travailler sur ceci en essayant de le rendre un tout petit peu plus social et contextuel, en m'interrogeant justement sur cette immense difficulté que soulève Cavell avec le jeu. Et puis la deuxième ressource, c'est une ressource que je vais prendre chez Mélanie Klein et chez Dion. Chez Mélanie Klein, pour la raison suivante, c'est que c'est chez Mélanie Klein qu'on voit le plus explicitement construit en psychanalyse comment certains d'entre nous, la vaste majorité, enfin pas tous, réussissent à accéder à la culpabilité. Et pour accéder à la culpabilité, il faut, dit un long processus qui est entamé dès la naissance, qui articule l'une à l'autre deux angoisses originaires, une angoisse dépressive et une angoisse persécutive. Arriver à la culpabilité, c'est pouvoir se déprimer de s'auto-accuser. C'est ça être coupable. C'est se déprimer de s'auto-accuser. C'est-à-dire d'emboîter l'angoisse dépressive et l'angoisse persécutive l'une dans l'autre, en sorte que cette intégration l'une dans l'autre produit une auto-accusation qui auto-déprime celui qui y est pris. Moyennant quoi, c'est comme ça qu'elle construit le concept de position dépressive, quelque chose devient possible du côté de l'objet qui est de l'ordre de la réparation. Et le concept de réparation, comme vous savez, j'ai déjà dit plusieurs fois l'an dernier et avant, le concept de réparation chez Mélanie Klein, il est tellement puissant que du coup, elle ne mentionne même jamais l'idée de sublimation. Pour elle, tout ça, c'est parce que Freud n'était pas arrivé à penser la manière dont la culpabilité se constitue de manière originelle. Je reviendrai sur Mélanie Klein, parce que je dis des choses dans La femme est coupable sur Mélanie Klein, mais j'ai d'autres choses à dire sur la Mélanie Klein d'après 45, d'après la position dépressive, répondant aux objections de Fairbairn, etc. Mais ce que je dis déjà dans La femme des coupables et qui m'intéresse, c'est que, ce qui vous intéresse ici directement, c'est que dans l'histoire de la psychanalyse, on a souvent considéré le mode d'intégration que Mélanie Klein proposait des angoisses persécutives et des angoisses dépressives était, au fond, le seul qui soit possible. Or, je ne crois pas. C'est tout le cas par amour dans mon bouquin. repose sur l'hypothèse selon laquelle il y a d'autres modalités d'articulation et d'intégration, et donc de séparation, de constitution d'individuation-séparation, comme dit Nicolas, hein, que cette espèce de construction de la culpabilité qui permet quand même à Mélanie Klein de rester gentiment dans la perspective du surmoi freudien. Hein. Même si elle en étend incroyablement le champ, en le faisant par définition commencer dès le départ, hein, avec ses angoisses persécutives et dépressives, elle reste quand même très ordonnée au surmoi freudien, sauf que l'accent chez elle est quand même nettement moins édipien. Enfin, l'édipe, c'est juste... Il y a les parents combinés, quoi, et puis... il y a la position dépressive, et c'est entre ces deux choses-là qu'elle retrouve ce que Freud appelle l'expérience édipienne. Parce que je crois que les capacités combinatoires, la possibilité combinatoire, ce que Mélanie Klein a mis au jour dans la clinique des gosses en particulier, ce qui fait aussi que, moi j'ai très peu d'expérience avec les enfants, et j'invite ceux qui en ont beaucoup plus à réfléchir aussi à ceci, éventuellement à nous faire part de leur réflexion. Ce que j'essayais de montrer dans le cas Paramore, c'est qu'il y en a au moins une qui est relativement répandue, qui est un autre mode d'intégration, et qui est celui dans lequel, au lieu de la culpabilité, vous avez quelque chose comme ce que j'appellerais l'évitement honteux de la honte. Une manière de se séparer de l'autre qui consiste à, dans la honte, chercher à éviter la honte d'être vu, possédé, désiré, d'agiter pulsionnellement quoi que ce soit du côté de l'autre. Mais avec cette chose extrêmement particulière, c'est que cet évitement de la honte, ne pas avoir honte, on est possédé par la honte dans le moment même où on essaie d'en éviter le surgissement. Ce qui est attaché d'ailleurs à un thème que vous connaissez très bien, parce que alors ça c'est, on le voit très bien aujourd'hui, c'est le sentiment d'imposture, qui est un phénomène extrêmement taraudant chez beaucoup de nos contemporains. Et puis, symétrique à ce phénomène, ce que j'appellerais les hypochondries anxieuses, c'est-à-dire ces états dans lesquels, précisément parce qu'ils ne se constituent pas d'intériorité en régime d'autonomie condition, l'intériorité c'est un truc, c'est vieillot d'avoir une intériorité, hein, c'est un truc, les jeunes ils n'en ont rien à foutre d'avoir des intériorités. C'est pour ça qu'ils font des trucs ennuyeux sans s'ennuyer, puisque de toute façon ils n'ont pas d'intérieur à l'intérieur duquel le temps pourrait s'espacer et leur signifier leur vide. Donc effectivement, ils ne s'ennuient pas. Des choses comme ça, sans s'ennuyer. Comme il n'y a pas d'intériorité, un grand nombre des pensées et des affects négatifs viennent labourer et ravager le corps sur un mode anxieux et persécutif. Et alors, chez Paramore, vous verrez les proportions grand guignolesques que ça prend à certaines occasions. Grand guignolesque et en même temps tellement normal que l'effet que j'ai voulu produire en construisant le cas, c'est celui de vous dire, mais au fond, est-ce que les gens, les honnêtes gens d'aujourd'hui, ceux qui font tourner la machine, quoi, nos parents, les profs, les gens qui font leur boulot, les fonctionnaires, les gratte-papiers, comme je suis en train de le traduire justement, l'école blanche japonaise, par exemple, hein, qui déprime, qui font des mélancolies, qui se suicident, etc., après s'être épuisé au travail, c'est-à-dire les gens ordinaires, les gens qui satisfont totalement les exigences du monde dans lequel on vit, pas les anormaux, les gens normaux, ceux qui sont aussi normalement normal qu'il est possible de l'être, hein, jusqu'à la normalité peut-être, mais enfin... Est-ce que c'est pas ça qui caractérise leur type de douleur, une hypochondrie anxieuse, ababrie, qui vient gratter comme ça à gauche et à droite du corps? C'est une modalité de l'articulation, mais ça va être le recours que j'aurais à Mélanie Klein pour essayer de penser la détresse de la normalité. Voilà. Je vous montrerai, parce que comme je suis en train donc de traduire le livre d'une amie japonaise sur ces questions-là, je montrerai que c'est plus important de le voir comme ça que de le voir sur le mode simplement l'épidémie de dépression au Japon liée à l'américanisation, la consommation de médicaments, etc. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus subjectif. Cette écume dépressive que nous captons à la surface, des gens qui se suicident à leur travail, des choses comme ça, les gens normaux, les gens qui ont tout fait bien, qui font tout bien, pas les dingues, hein, qui font tout bien, c'est ceux-là dont il faut interroger chez eux la modalité de travail de la pulsion de mort. C'est ça. Et je conclue sur une proposition que je vous fais. Parce que, au fond, l'usage de Bion que j'ai, je voudrais qu'il soit aussi respectueux qu'il est possible de vos positions à chacun, c'est-à-dire de vos analyses, des concepts auxquels vous vous rattachez, parce qu'on a la chance ici d'avoir des gens qui viennent de bilans extrêmement différents, d'écoles très différentes. Le Bion que je propose n'est pas un Bion qui viendrait s'ajouter, n'est-ce pas? C'est pas comme les Kleiniens, les cinglés anglais, là, n'est-ce pas? Vous êtes Kleinien ou pas Kleinien, mais c'est comme une secte à l'intérieur du truc, c'est incompatible. Hein. Vous pouvez pas devenir Kleinien. Soit vous avez été analysé par un Kleinien et vous resterez Kleinien toute votre vie, il ne parle qu'entre eux, le Kleinien, et c'est comme les Lacaniens chez nous, quoi, en quelque sorte, mais c'est encore pire, hein, encore pire. Mais non, le Bion que je vous propose, c'est un Bion qui juste vise à mettre en batterie, d'une manière que chacun peut s'approprier, vos propres analyses et vos propres fonctionnements psychiques. C'est-à-dire ce que vous savez, ce que vous avez appris, ce que votre expérience vous donne, qu'elle soit lacanienne ou pas, ou qu'elle soit même profondément anti-lacanienne, peu importe. Ce que Bion nous apporte, c'est l'idée qu'en fabriquant une machine à penser ses pensées, en travaillant pas à structurer, mais à construire, à produire son appareil psychique, nous mettons en batterie les choses qui sont à nous. Et c'est cette mise en batterie, en quelque sorte, qui m'intéresse. C'est pas du tout, vous voyez, un Bion qui serait un personnage de plus dans l'histoire de la psychanalyse. C'est quelqu'un qui, comme Lacan, au moins, je crois, jusque dans les années 60, Lacan, il vous fait comprendre comment ça marche Freud. Il n'ajoute pas quelque chose à Freud. Le moment où il ajoute quelque chose à Freud, c'est très daté, c'est 63, c'est l'objectita, là on entre dans une dimension, oui, c'était pas dans Freud. Tout le reste, on pourrait dire, c'est ajouter un récit à Freud, mais montrer comment Freud marche. Le Bion que je vous propose, c'est un Bion qui ne fait rien d'autre que ça, qui simplement aide concrètement à mettre en batterie les choses que vous savez de votre analyse, de l'enseignement que vous avez reçu, etc. Et l'objectif est évidemment de contribuer, autant qu'on peut le faire dans un séminaire, à ce qu'on s'équipe, et évidemment je ne peux pas le faire tout seul, il faut que je vous cause, est-ce qu'on s'équipe de ce dont il y a besoin pour se confronter à ce dont je parlais au départ. C'est-à-dire, finalement, des sentiments persécutifs. Le fait que si vous vous baladez dans la vie, il y a des endroits, alors dans le quartier ça va encore si vous êtes psychanalyste, hein, il y a des tas d'endroits où vous avez vachement intérêt à faire profil bas, non seulement si vous êtes analyste, mais même si vous faites une analyse, ou même si vous en avez fait une, et alors à ne pas raconter à n'importe qui que vous avez envoyé votre gosse chez le psy, hein, chez le psychanalyste. C'est d'autres plus à la mode, on peut. Bon. C'est-à-dire de nous confronter à la persécution, de nous confronter à nos angoisses persécutives, à la mise en cause de tout ce à quoi nous sommes attachés par la cruauté extrême de la situation qui est faite aujourd'hui à la pratique de la psychanalyse. Et à ce sujet, je voudrais proposer une chose, c'est que quelques-uns parmi vous se mettent en groupe à traduire un livre de James Rothstein qui s'appelle The Beam of Intense Darkness. C'est un livre de 2007 si vous vous mettez à ça, un gros livre, il fait 400 pages en anglais, qui nécessite de bonnes connaissances bionienne, qui nécessite aussi que les gens sachent bien l'anglais, sachent bien la littérature anglaise, etc. James Rothstein est un des derniers patients de Bion. Et il a écrit un livre qui me semble être le meilleur livre sur Bion. Et notamment un livre qu'on pourrait, pour que ce séminaire ne soit pas, vous voyez, complètement clos sur lui-même, qu'on pourrait éventuellement traduire. Je me suis déjà arrangé pour qu'il soit publié. Si la traduction est faite, le livre sera publié, bien qu'il fasse des centaines de pages, etc. Et que, puisque Bion, ce qui m'en vient là, quand vous m'envoyez des mails ou quand vous m'en parlez, etc., Bion, ça vous intéresse, et bien, voyez si justement ça vous intéresserait, quelques-uns parmi vous, de vous partager la traduction de ce texte, et puis de vivre la chose comme une expérience de groupe, hein, d'être un working group, comme dit Bion. C'est-à-dire de voir dans quelle mesure vous pouvez vérifier en acte que ce qui est raconté là, même si vous êtes très différents les uns des autres par vos formations, etc., il y en a un usage possible et que vous pouvez vous écouter autour de Bion, mettre en batterie des choses que vous savez de votre analyse ou des analyses que vous faites, etc., etc. Et ça me permettrait, je crois, de voir en quelque sorte, si au fond, ce que je vous raconte là n'entraîne de l'écriture que chez moi ou si ça peut en susciter chez d'autres. C'est-à-dire, au fond, si le type de choses dont on parle reste quelque chose qui va simplement être une sorte de complément culturel que vous pouvez donner à votre compréhension de la psychanalyse, ou bien si c'est quelque chose où vous seriez prêt éventuellement à jouer le jeu que Bion propose, hein, de l'intégrer à votre propre fonctionnement psychique, en faire des rouages, à voir après tout si franchement on est condamné simplement à annonner tout ce qu'on nous a enseigné et à le transmettre, n'est-ce pas, hein. Ou bien si on est pris dans ce processus de transformation. Alors oui, il s'appelle Grotstein, Grotstein, James Grotstein. C'est un type très New Age, Californie, etc. Et le livre, alors c'est une expression de Milton, je crois que c'est dans Paradise Lost. C'est eux, hein, c'est ça? C'est un beam of intense darkness, ouais. Un rayon de... Alors, il faudra trouver comment traduire, parce qu'obscurité... Intense obscurité. Oui. C'est pas confus, c'est de noir. C'est un noir particulier. Un rayon d'obscurité intense. Voilà. Donc, je pense que, vu l'image, ça doit venir du paradis. Et puis je pense que ce serait vraiment assez intéressant, c'est plutôt que de le traduire à plusieurs, comme on dit, que quelques-uns parmi vous fassent un groupe, un working group autour de ça. De voir, alors, vous savez, c'est difficile, hein, il y a beaucoup de références à découvrir, c'est pas aussi difficile que traduire du Bion, mais il y a des références à découvrir, et puis si vous avez des difficultés, on trouvera à s'arranger, mais j'avoue que, ça me paraissait une idée marrante à vous proposer. Pourquoi cet ouvrage-là? Je crois que c'est vraiment de ce qui m'est passé entre les mains. C'est ce que je crois, si on le traduisait en français, ce qui pourrait faire référence. Porte d'entrée, parce qu'il est question de tout, par quelqu'un qui était en analyse avec lui. En France, il y a très peu de gens qui ont été en analyse avec lui. Il y a Louis Goyena. J'en connais pas d'autres. Il y a une ou deux personnes qui ont en plus. Mais ce n'était pas exactement des analyses comme ce que Grotstein a fait, au moment de la période californienne de Bion. Donc un Bion très isolé, très souffrant beaucoup, hein, de s'être transplanté de Londres à la Californie. Et puis parce que c'est écrit avec une certaine forme de simplicité, et puis il y a un autre avantage, c'est que je n'ai pas trouvé d'erreur. Tandis que dans le dictionnaire Bion, il y a une erreur à chaque page. Et puis, ce n'est même pas des erreurs bioniennes, hein, c'est des erreurs de culture, hein, qui sont assez massives. Tandis que là, quand on lit ça, non, vraiment, c'est très très bien. C'est récent, Et puis, on pourrait le publier dans la même collection là, que mes bouquins ou dans chez Itac. On pourrait le publier. Il me semble que ce serait quelque chose qui pourrait, comme ça, aider. Il faut évidemment traduire Bion, mais aider à une forme d'introduction. Et puis, je crois aussi qu'associé au travail de groupe, peut-être que ça peut vous stimuler. Donc, je ferai séminaire le troisième jeudi, je ne sais pas quel est le prochain troisième jeudi, en novembre. S'il y a des gens intéressés, un mail, il faut vraiment bien savoir l'anglais, et puis vous vous mettrez en rapport les uns avec les autres, et puis vous verrez. De toute façon, il faut être un certain nombre de toute manière, il faut être au moins 5 ou 6, parce que le bouquin fait 400 pages. Alors ça, vous m'en demandez trop. Mais si vous vous tapez sur Amazon, vous allez l'avoir, et on peut même l'avoir sur sa liseuse Amazon. Les droits sont disponibles pour parler de quelque chose. Les droits, on réussira à se trouver. Oui, non, mais on peut, bien sûr. Voilà.